à Bujumbura, vous nous captez sur 89.7 MHz. Et bonsoir, chers auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal de la soirée, la dernière édition. Tout d'abord, le sommaire. Quatre personnes accusées d'être impliquées dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie, ont été arrêtées. Cela a été indiqué par le procureur général de la République. Vous l'entendrez dans cette édition. Les élèves vivant avec un handicap de la province de Gitega enregistrent un faible taux de réussite dans les examens tant nationaux que ceux de la classe. Le manque d'interprètes est suffisant serait parmi les causes de ce faible taux de réussite. Les milieux carcéraux burundais souffrent d'un manque de psychologues. C'est ce qu'a indiqué Dieudonné Nsanzamahoro lors du lancement des activités des psychologues pour le développement intégral ce samedi. Voilà pour les titres. Aimé Toussaint Mitebouti assure la mise en œuvre de cette édition. Moïse Misago est à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Ouvrons cette édition par la page Justice. Le procureur général de la République annonce l'arrestation de quatre personnes, toutes accusées d'être impliquées dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye. C'était en 1983. Dans un point de presse animé ce samedi, Sylvestre Nyandui fait savoir que d'autres présumés auteurs de ce forfait sont en train d'être recherchés. Il rassure cependant que les garanties d'un procès équitable seront offertes à ces personnes arrêtées suivies. Même si des poursuites ont été engagées contre certaines personnes impliquées dans ce crime, il s'est avéré que c'était des exécutants et le procès reste toujours pendant devant la Cour suprême. En effet, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt qui avait été rendu relativement à ces faits est resté jusqu'ici sans réponse et le ministère public réitère sa demande pour que la Cour suprême vide sa saisine. Comme le ministère public a par après eu connaissance des personnes qui seraient impliquées dans au coup et qui n'ont pas été poursuivis, et en vue de combattre l'impunité dans notre pays, nous avons décidé d'ouvrir un dossier à leur charge et quatre d'entre eux ont été arrêtés ce matin du 24 novembre 2018 pour des raisons d'enquête, tandis que d'autres sont encore recherchés. Quand les enquêtes seront terminées, le dossier sera fixé devant la juridiction compétente pour jugement afin qu'aucun Burundais ou étranger résident au Burundi ne puisse commettre un crime dans l'impunité. Nous assurons aux prévenus arrêtés que les garanties d'un procès équitable leur seront offertes, notamment les droits de la défense. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à toute personne qui détiendrait une information sur cet assassinat, de la confier au parquet général de la République pour que la vérité éclate au grand jour et que la justice soit faite. Concernant les noms des personnes appréhendées, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandui, même s'il préfère ne pas dévoiler leurs noms, il affirme qu'il s'agit des ex-militaires en retraite. Selon lui, seules les enquêtes mettront tout au clair. Encore une fois, Sylvestre Nyandui, il est procureur général de la République. Les personnes qui ont été arrêtées ce matin sont au nombre de quatre. Pour des raisons d'enquête, je ne voudrais pas révéler ici leurs noms, mais je sais que les noms sont en train de circuler sur les réseaux sociaux. Et je confirme, ils sont d'anciens militaires. Ils sont retraités. Je ne peux pas répondre à cette question parce que pour des raisons d'enquête, moi, je ne peux pas vous dire les noms de ceux qui ont été arrêtés. Je n'ai vu aucun avocat. Personne ne m'a approché pour dire qu'il venait assister son client. Mais je viens de vous dire que les droits de la défense seront garantis. Comment le serais-je? Peut-être qu'il y a également des civils, mais c'est une enquête qui ne vient qu'à peine commencer. Laissez le ministère public conduire l'enquête. Je ne peux pas vous révéler les stratégies que le ministère public a arrêtées pour bien mener l'enquête. La justice prend son temps et je te dirai que les infractions dont ils sont reprochés ne sont pas encore prescrites. Nous les soupçonnons d'être parmi les auteurs. Toujours page justice, trois personnes adeptes de Zebinge Ndakoumana ont été arrêtées par la police à Kivyuka en commune Musigati ce vendredi. Ce sont deux hommes et une femme sont toutes accusées d'avoir empêché aux gens de se faire vacciner et auraient même perturbé les activités de vaccination selon les témoins sur place à Kivyuka. Les adeptes de Zebinge Ndakoumana ont boudé les travaux de vaccination des enfants et les femmes enceintes qui étaient organisées au cours de cette semaine. Certains parents ont même fui leur ménage avec leurs enfants pour échapper à la vaccination selon l'administration communale. À présent, page éducation, les élèves aveugles et sourds-muets enregistrent un faible taux de réussite en classe et aux examens nationaux. Le manque suffisant d'interprètes du langage des signes et de l'écriture braille serait parmi les causes. Ces propos ont été tenus ce samedi à Gitega, nous sommes au centre du pays, lors d'une réunion à l'intention des centres et établissements qui enseignent les élèves vivant avec handicap. Correspondance Gérard Nibigira. Le représentant légal de l'association Nouvelle Vision face au handicap, Donatien Varumete, fait savoir que certaines des causes du faible taux de réussite des élèves aveugles et sourds-muets en classe et dans des examens nationaux est l'insuffisance des interprètes du langage des signes pour les sourds-muets et de l'écriture braille pour les aveugles. C'est aussi l'insuffisance du matériel didactique adapté. Ainsi, sur 9 élèves aveugles du lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega, un seul a réussi au concours national de 9e année édition 2018, comme l'indique le directeur de cet établissement, l'abbé Zéphéré Ngendakoumana. Pour donc rehausser le taux de réussite des élèves de cette catégorie, Donatien Varumete propose la multiplication des interprètes du langage des signes à tel point que chaque cours est son interprète. Il propose aussi l'augmentation du matériel adapté à l'enseignement des élèves en situation d'handicap, sans oublier l'harmonisation du langage des signes dont l'objet serait de mettre fin à l'incompréhension observée chez les utilisateurs des langages des signes différents. Le représentant des élèves en situation d'handicap a quant à lui demandé la revue à la baisse du Minerval pour eux et l'appui matériel des bienfaiteurs dans la mesure où certains parmi ces élèves sont délaissés par leurs parents suite à leur handicap. C'est au moment où ce samedi, l'association Nouvelle Vision face au handicap avait organisé une réunion à l'intention des représentants des deux ministères ayant l'éducation dans les attributions et des centres et écoles qui enseignent les élèves en situation d'handicap. La réunion s'est tenue au lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega, fréquenté par 110 élèves de cette catégorie. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Toujours page éducation, le redéploiement des enseignants a accentué la pauvreté dans leur famille puisqu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Cela a été dit par certains des enseignants de la commune Erumongue. Nous sommes au sud-ouest du pays lors de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant ce vendredi à Erumongue, une journée habituellement célébrée le 5 octobre de chaque année, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? Certains enseignants de la commune Erumongue redéployés se sont lamentablement appauvris, leurs salaires ayant été restés inchangés, comme l'a déclaré un représentant des enseignants ce vendredi. Hors micro, certains enseignants qui sont obligés de travailler tous les jours en rentrant chez eux se lamentent qu'ils font une partie de leur trajet à pied, afin de pouvoir réduire les frais de déplacement qui risquent à eux seuls d'emporter presque tous leurs salaires mensuels. Dans ces conditions, ils disent qu'ils deviennent incapables de s'acquitter convenablement de leurs tâches, extrêmement fatigués. Dans son discours, Samuel Manirakiza, qui s'exprimait au nom des enseignants de la commune Erumongue, reconnaît les efforts du gouvernement burundais afin de revoir à la hausse les salaires de ses fonctionnaires, mais qu'il y reste beaucoup à faire au regard de la cherté de la vie. Il demande que l'harmonisation des salaires soit une réalité avant 2020. De son côté, Adrien Savouchimi, qui est directeur provincial de l'enseignement de Erumongue, a informé que le redéploiement ne peut nullement faire marche arrière. Cette journée mondiale de l'enseignant, habituellement célébrée le 5 octobre de chaque année, a été célébrée ce vendredi dans la commune de Erumongue. Jean-Pierre Misago depuis Erumongue, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page santé à présent, il s'observe un manque criant des psychologues dans les milieux carcéraux burundais, comme le démontrent les enquêtes faites. C'est ce qu'a indiqué Dieudonné Nsanzamahoro, psychologue et clinicien, lors du lancement officiel des activités de l'organisation Agissons psychologues pour le développement intégré des communautés apédiques en sigle sous le thème « Le rôle du psychologue en matière d'aide légale aux vulnérables ». Dieudonné Nsanzamahoro dit que deux prisons seulement, dont celle de Erumongue et celle de Ruyigi, sont dotées de psychologues. Suivez-le. Il y a un manque effectivement dans les prisons parce qu'on constate qu'au Burundi, le rôle des psychologues n'est pas valorisé. Mais pourtant, un psychologue a un rôle indéniable dans les instances pénitentiaires et dans les prisons. Le premier rôle, tout d'abord, c'est de l'expertise pénitentiaire et judiciaire. Et ensuite, il fait aussi un soutien psychothérapeutique à l'endroit des victimes et à l'endroit aussi des auteurs, et aussi à l'endroit du personnel pénitentiaire. Alors, généralement, dans les autres pays, on constate qu'on tient compte de l'expertise du psychologue dans le jugement. Et puis, on a constaté que le psychologue joue un rôle très très louable dans l'accompagnement des victimes, mais aussi dans l'accompagnement des auteurs. Le psychologue, en fait, il a alors à jouer pour comprendre les mobiles, les causes profondes qui ont poussé tel criminel à commettre tel acte. Ici, pour être plus concret, l'homme n'en est pas criminel. Pourquoi il a fait tel acte? Quels sont les mobiles qui l'ont poussé à faire tel acte? Alors, le psychologue aura à faire une anamnèse de l'auteur et va essayer de comprendre le comportement d'auteur criminel. C'est là où alors il y a un rôle incontournable au niveau de la magistrature du psychologue, mais aussi au niveau des maisons d'arrêt. Et plus de 1000 vaches de race améliorées sont déjà vaccinées contre la dermatose nodulaire parmi les 3000 têtes qui sont prévues pour cette vaccination. Les vaccins ont été disponibilisés par les projets financés par FIDA et ce sont ces mêmes projets qui ont distribué ces vaches aux populations. Selon les responsables de la direction provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement à Boubanza, il n'y a pas de vaccin prévu pour 60 000 vaches locales espèce Caritas Cabagnana correspondance. Les vaches de race améliorées qui ont été données par le Prodéfi et qui sont déjà vaccinées contre la dermatose nodulaire sont au nombre de 1177 vaches. Celles qui ont été distribuées par le Propao et qui sont déjà vaccinées se comptent à 132 vaches. Les veaux de moins de 3 mois de naissance ne sont pas concernés par cette vaccination, selon les responsables à la Direction provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement à Boubanza. Au total, les vaches déjà vaccinées dans 3 semaines sont au nombre de 1309 sur 3274 qui sont concernés par le projet. Les éleveurs de vaches locales estimés à 63552 déplore le fait que ces troupeaux ne sont pas concernés par ce programme de vaccination contre la dermatose nodulaire qui sévit depuis des années. Le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, à Boubanza, explique que c'est un problème qui n'est pas à sa hauteur, mais que c'est une question qui est déjà connue par les instances hiérarchiques. Spes Caritas Kabanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Et les accidents routiers sont inquiétants, que ce soit au Burundi et dans le monde entier. Ce sont les propos du président de l'Association pour la sécurité routière et assistance aux victimes, ASERAV en sigle, au moment où se clôture la semaine de la dédiée à la sécurité routière. Emmanuel Senguiumva indique que l'Organisation mondiale de la santé classe aujourd'hui les accidents routiers comme 9e cause de la mortalité. Il en appelle au ministère de tutelle de prendre des mesures adéquates pour limiter les cas d'accidents suivis. Alors, la situation jusqu'à aujourd'hui reste inquiétante à voir les chiffres qu'on a, c'est le rapport officiel de l'année 2017. Alors, en 2017, on a eu 993 cas d'accidents de la route qui ont porté la vie à 86 personnes avec 574 blessés. Alors, parmi ces accidents qu'on a cités à haut, seuls 18 accidents ont eu lieu entre vélo et piéton. Pour dire que le reste s'est déroulé entre les engins moteurs contre les piétons, contre les taxis vélos. Alors, la situation est ainsi, mais les causes sont presque toujours les mêmes. Alors, on a déjà déchiffré quelques causes. C'est surtout l'état des conducteurs. Certains conducteurs sont presque ignorants ou roulent dans l'illégalité, ou bien dans l'état d'ébriété, selon souvent cause d'accident de roulage. Il y a aussi l'état des engins roulants, les véhicules qui lâchent des freins de n'importe où, qui n'ont pas de phare. Alors, il y a aussi l'état des routes où on observe un mélange étonnant de piétons et d'engins roulants. Alors, ce qui devait être fait, c'est surtout la sensibilisation en premier lieu envers les conducteurs, qui doivent prendre conscience que leur métier entraîne la perte de vie à quelques personnes. Parce que des fois, on est écœuré à voir des fois un conducteur d'une voiture provoque qui peut porter à bord 10 personnes. Alors cela vraiment est alarmant et c'est pour cela que plutôt il faut une sensibilisation large envers tous les partenaires de la sécurité routière. Une autre action qui pouvait être menée, c'est plutôt la disponibilisation des pistolets radars. Servent à contrôler la vitesse des engins roulants parce qu'on a vu que 57% de la route sont causés par l'excès de vitesse. Et bien, aussi, on implore à ce qu'il y ait aussi ces faits tricolores sur le presque de la route du Burundi. Nous demandons que plutôt un plan d'action soit établi au niveau du ministère des Transports et que soit élargi entre plusieurs partenaires de la sécurité routière pour que tout le monde prenne conscience qu'effectivement, les accidents de la route, le nouveau fléau, comme on l'appelle, selon le rapport de l'OMS, qui montre que c'est la 9e cause de mortalité dans le monde. Et certains taxis vélos à Mairie de Bujumbura se plaignent qu'ils sont perturbés dans leur métier par la police nationale du Burundi. Ils indiquent que des fois même, ils sont arrêtés par des gens en tenue civile et qu'ensuite leurs vélos sont saisis puis embarqués selon eux dans les pick-up de la police nationale à destination inconnue. Ces transporteurs demandent à la police de les remettre leurs vélos et demandent également aux autorités habilitées de réguler leur métier. Reportage Richard Koubgarugira. Comme l'indiquent certains de ces taxis vélos, les vélos sont saisis par les gens en tenue civile ou par des policiers eux-mêmes, puis embarqués dans les pick-up de la police nationale du Burundi à destination inconnue. Ils disent également qu'ils sont arrêtés sans savoir pourquoi et dans les zones non interdites. J'ai vu un homme en culotte et qui portait des babouches et puis il m'a arrêté. Je lui ai demandé pourquoi il m'arrête et il m'a obligé de descendre, ce que j'ai refusé. Et puis il m'a forcé et a dit que si je refuse, il va me frapper. Après un bout de temps, j'ai vu des pick-up de la police et ils ont embarqué nos vélos. Et quand nous leur avons demandé où ils allaient, ils nous ont dispersés. Pour moi, c'est le pire. D'habitude, je suis infirme et j'allais à Gatumba pour voir quelqu'un qui venait de me promettre la ration et puis ils m'ont arrêté. J'étais pas au boulot, je faisais juste réparer mon vélo. Ce n'était pas dans la zone interdite car c'était dans le tronçon entre l'Amsar et le Napra. Et c'est là où j'ai été arrêté. Selon ces taxis vélos, quand ils se rendent à la police pour demander où se trouverait leur vélo, ils ne sont pas accueillis. Et ajoute-t-il, on leur demande d'aller au président de leurs associations qui, selon eux, auraient fermé les portes. Mais nous n'avons pas été accueillis. On nous a renvoyés vers les présidents de nos associations. Et arrivé au bureau, c'était fermé. On nous a dit que ça fait un bon temps que les bureaux sont fermés. Nous sommes allés voir les présidents de nos associations. Nous avons trouvé les bureaux fermés. Ces taxis vélos à Mairie de Bujumbura demandent d'être rétablis dans leurs droits et d'être facilités dans leur travail quotidien. Merci Richard Koubgarugira. Contacté à propos le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, envoie ses taxis vélos à s'adresser au commissariat municipal de la police. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Aimé Toussaint Itewuti pour sa parfaite collaboration technique. Passez une excellente soirée à l'écoute de la radio Isanganiro. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Au revoir. De la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu se demande si l'on va vers un nouveau cadre de dialogue. Après le fiasco du dernier round du dialogue inter-burundais, les chefs d'État de l'EAC ont été pointés du doigt pour leur inefficacité. Entre autres raisons, selon Iwachu, le manque de convergence, le médiateur qui n'a pas été disponible, voire indifférent selon certains. Bref, le facilitateur n'a pas bénéficié de tout le soutien dont il avait besoin pour réussir sa difficile mission. Indirectement, soutient l'hebdomadaire, l'Union africaine et les Nations unies sont aussi impliquées. Iwachu revient un peu plus loin à une des recommandations du secrétaire général des Nations Unies dans son rapport soumis au Conseil de sécurité le 15 novembre sur la situation au Burundi. Il dit, je cite, « Je demande à tous les partenaires régionaux et internationaux concernés, y compris les membres du Conseil de sécurité, de participer à des débats de fond après la tenue fin novembre du sommet des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est afin de faire le point et de décider ensemble de la voie à suivre. » Fin de citation. Des voix demandent l'application stricte de la loi qui réprime les VSBG, violences sexuelles et basées sur le genre. L'agence burundaise de presse revient sur les propos d'un taxi-motard qui a marre de ce qui est arrivé à sa sœur. « Ma sœur est tombée enceinte alors qu'elle était en 8e année fondamentale. Depuis ce jour, dit-il, elle reste à la maison pour s'occuper de son enfant au moment où le père de l'enfant, qui était également élève à l'époque, poursuit ses études. Il déplore que même si la dot a été payée, sa sœur est restée chez ses parents et a dû abandonner l'école. » J'ai parfois l'impression qu'il y a un laisser-aller en matière de violence sexuelle et basée sur le genre, ajoute-t-il, tout en recommandant que la loi qui réprime ces violences soit rigoureusement appliquée. La BP constate que le règlement des conflits liés au VSBG par la communauté se fait souvent à l'amiable, mais estime que cette façon de faire devrait cesser. Revue de la presse. Il y a école et école. Une blogueuse de Yaga a été interpellée par les conditions dans lesquelles les enfants apprennent. Elle était de passage dans une école de l'intérieur du pays, précisément à Kayanza. De jeunes enfants assis à même le sol, jambes croisées, d'autres les jambes bien allongées. Pour les plus fortunés, elle dit ici, ceux qui ont des babouches, ces espadrilles servaient de tapis pour éviter le contact froid avec le ciment. Certains élèves se courbent en dessinant dans leur cahier. Tous semblent fatigués ou angoissés. Ces enfants, dont l'âge est compris entre 6 et 10 ans, doivent apprendre à écrire. L'enfance de la blogueuse Bella lui revient en tête quand elle écrit « Rassurez-vous, j'ai eu droit à une scolarisation digne. Je me souviens de comment on apprenait à dessiner. J'ai honte en y repensant. Maintenant que je vois la situation de ces jeunes enfants, on avait des bancs pupitres où poser et tourner ses cahiers. Mais ces petits chérubins, aujourd'hui en 2018, posent les cahiers sur leurs petites cuisses pour apprendre à dessiner leurs premiers chiffres et lettres. Je retiens difficilement mes larmes, renchérit-elle. Le journal La Voix de l'enseignant écrit pour sa part que malgré les actions positives déjà menées, de nombreux obstacles barrent toujours l'accès à l'éducation pour tous les enfants en âge de scolarité. Ces obstacles s'expliquent essentiellement par la taille de la population en âge scolaire qui nécessite une mobilisation plus importante des moyens financiers pour la construction de nouvelles salles de classe, acheter le matériel scolaire et recruter de nouveaux enseignants. Et comme le pays ne disposait pas de tous ces moyens, ces besoins ne sont pas comblés. Ainsi, les enfants en âge de scolarisation ne trouvaient pas de place à l'école. Pour faire face à tous ces défis, les spécialistes de l'éducation suggèrent notamment qu'il convient de s'attaquer au faible niveau de financement de l'éducation et de cibler les dépenses pour privilégier les méthodes qui améliorent l'accès à l'école de tous les enfants, particulièrement les plus marginalisés. Le Burundi risque encore une fois de perdre une star. L'hebdomadaire Iwachu parle ici d'Adrienne Nahimana, la célèbre actrice du feuilleton Ninde qui est en train de souffrir dans l'oubli total. Terrassée par la maladie, elle ne quitte plus sa maison et ne bénéficie pas de soins médicaux adéquats. Rongée par le diabète et sans moyen de se faire soigner, Adrienne Nahimana est aujourd'hui l'ombre d'elle-même selon Iwachu. Affaiblie par la maladie et mal soignée, l'actrice reste clouée sur son lit chez elle, sur la colline Kabanga de la commune Guéta en province Gitega, cela depuis des mois. Tout ce qu'elle demande, ce sont des médicaments réguliers pour au moins soulager ses douleurs. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Francine Ndeokugayo et Léon Sebitadiho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine.